Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Maury, comédien. Bonjour Nicolas. Si vous étiez une ride, laquelle seriez-vous ? C'est difficile d'incarner une ride quand on veut toutes les effacer. C'est un peu des ennemis les rides, non ? La ride du lion, parce que c'est beau le lion. Ride, tout doit disparaître ? Non, il faut un juste aller-retour entre la perfection et l'imperfection. Et quand même, non, tout ne doit pas disparaître. Dans la peau de qui aimeriez-vous être ? J'emprunte tellement de peau pour me rapprocher, je crois, un petit peu de la mienne que c'est une question un peu vertigineuse pour moi. Merci Nicolas. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. On sait tous où on était le mardi 11 septembre 2001. On a tous suivi les événements en temps réel à la télévision. On se souvient tous comment on a découvert, su, compris que les États-Unis étaient touchés par des attentats terroristes. Sidérés, on a avalé les images en boucle, les deux tours du World Trade Center qui s'effondrent, les morts, la panique. Rares sont les événements de ce genre capables de réunir et de déchirer en même temps un monde entier, dont deux philosophes, européens, Jürgen Habermas et Jacques Derrida, qui quelques semaines plus tard, par voie interposée, ont choisi d'élever le 11 septembre au rang de concept. Yeah, what do you got today? Loading docks. Loading docks. Yeah, that shipment come in from Florida. What the f***? La dépêche non confirmée est tombée ce matin. Un avion aurait percuté l'une des tours du World Trade Center. La rédaction de CNN est d'ores et déjà en train de vérifier l'information. Nous appelons nos correspondants et tentons de savoir exactement ce qui s'est passé, mais de toute évidence, un événement épouvantable vient de se produire. Comme vous le voyez, au sommet de la tour, il y a un gigantesque trou béant. Il y a des flammes à l'intérieur. À peine croyable. Qui peut être assez fêlé pour se cracher sur le trèble. Possible qu'ils étaient à court de carburant ? Ouais, voilà, Vito, c'est ça. Ou encore un blaireau qui a fait virer son bimoteur dans le mauvais sens. C'est pas un petit appareil. Ouais, d'accord, je te rappelle. Hé, écoutez ça, c'est carrément de la folie. Ma femme m'a dit que l'autre aussi. L'autre tour est touché. Quoi, touché? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est pas un zinc privé. Non, c'est clair. On a le matériel approprié dans ce cas-là? On est préparé à tous les cas de figure. Voiture piégée, bombe chimique, biologique. Mais pas ça. Pas un événement de cette envergure. Y a rien de prévu, aucune procédure. Bonjour Pierre Bourretz. Bonjour. Vous êtes philosophe et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. On vous doit d'un ton guerrier en philosophie. Habermas, Derrida & Co. aux éditions Gallimard, NRF, Essai, c'est paru en 2011. Où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? J'étais à Paris. Vous en avez un souvenir précis, j'imagine ? J'en ai un souvenir précis, évidemment. Je ne pourrais pas vous dire exactement. D'abord, quand je l'ai appris en rentrant chez moi, peut-être par un coup de fil de quelqu'un. Mais, enfin, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne recevait pas une alerte quand on était où que ce soit pour rentrer chez soi très vite. Mais j'ai été très vite devant la télévision pour la regarder très longtemps. C'est ça qui est intéressant avec cet événement du 11 septembre, enfin plus qu'intéressant, poignant, frappant, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et pourtant c'est le premier événement mondial que tout le monde a pu suivre en même temps à la télévision. Oui, c'est le premier. C'est le premier en tout cas en direct, sans médiation. En temps réel. Presque réel. En tout cas, je crois me souvenir avoir été devant la télévision au moment de l'effondrement de la seconde tour, puisqu'il y a un petit décalage entre les deux. C'est la première fois. Je pense pas que ce soit la première fois, le premier événement qui suscite une conscience mondiale. C'est le premier événement que l'on a en direct, sans médiation, sans la médiation de témoins, et en temps réel, au moins pour une partie, ça c'est vrai. C'est aussi un des premiers événements en temps réel, mais aussi qui a tout de suite été commenté. Alors, c'est ce qui va nous intéresser durant l'heure qui vient, Pierre Bourretz, par des philosophes. Alors, il y en a eu plusieurs, hein, évidemment, des philosophes américains, des philosophes européens. Parmi ces philosophes européens dont on va parler aujourd'hui, Habermas et Derrida, qui, par des dialogues plutôt interposés, des entretiens interposés avec Giovanna Boradori, c'est ça, c'est bien son nom, Boradori, ont répondu, ont tenté de penser le concept de 11 septembre. Est-ce que ce n'est pas trop tôt, quelques semaines après un événement de cette ampleur, de penser, de vouloir l'élever au rang de concept? Est-ce que ça a même un sens? Je crois que c'est au fond un peu la bonne distance. Ça aurait pu être trop tôt. Même des très grands philosophes comme Habermas et Derrida peuvent dire des bêtises ou des choses approximatives ou même avoir peut-être des dérapages. S'ils sont interviewés vraiment à chaud, si on leur tend un micro en leur disant « qu'est-ce que vous avez à dire ?» Personnellement, j'ai tendance à penser que devant ce type d'événement, ce que doit faire un philosophe dans un premier temps, c'est dire « je n'ai rien à dire, je suspends mon jugement, je pratique l'époque, laissez-moi le temps d'assimiler... » Alors, combien de temps? Alors, combien de temps? Moi, j'ai souvenir d'avoir eu j'avais un rendez-vous planifié depuis plusieurs semaines avec Laure Adler, 5 jours après les attentats de novembre à Paris. Et donc nous retrouvons. Donc Laure Adler, journaliste Laure Adler, à Radio France, grande voix de Radio France, une très belle émission à l'époque sur France Culture, une émission qui durait 2 heures. Je venais de sortir un livre, on devait parler de mon livre. Bon, on se retrouve et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Annuler l'émission, c'est la direction de la chaîne qui aurait pris l'initiative. On est là tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On va bien sûr pas parler du livre sur la philosophie médiévale. Et donc Laure Adler commence en me disant mais alors qu'est-ce qu'a à dire le philosophe? Le philosophe aujourd'hui, on est J+5, je crois, de l'événement. Je n'ai pour l'instant rien à dire. Je suspends mon jugement. Je pratique ce que les Grecs appellent l'époké. Je dois avoir le temps d'entendre ou de lire des gens qui vont pouvoir analyser l'événement d'un point de vue pragmatique. Me dire qui sont ces assassins, d'où ils viennent, de quel type de réseau ils appartiennent. Qu'est-ce que cela nous a fait? Là, je crois qu'en l'occurrence, c'est une assez bonne distance. On pourrait se dire, c'est dommage qu'on n'ait pas eu les réactions de Derrida et Habermas à chaud. Non, je crois qu'on aurait risqué d'avoir soit des banalités, soit même peut-être des choses qui auraient pu nous déplaire, parce que même de très grands philosophes peuvent, au fond, dire des banalités. C'est pas trop tard. Ils sont encore dans le choc, ils sont encore dans la sidération. Parce qu'il faut savoir que ces entretiens ont été donnés en novembre et décembre 2001. Ils ont été faits en novembre et décembre par la même personne, séparément. Là aussi, on pourrait se dire, c'est dommage qu'elle ne les ait pas mis autour d'une table et les faire dialoguer. En même temps, je trouve que c'est pas mal, parce que elle les connaît par cœur, elle sait parfaitement à la fois, elle connaît parfaitement leur position philosophique, même presque leur rhétorique. Elle leur tend des petits pièges à l'un et à l'autre. Elle tend un petit piège à Habermas. Est-ce qu'il va réouvrir la polémique avec Derrida? Elle tend des petits pièges à Derrida sur le mode, est-ce qu'il va, au fond, tomber dans un discours qui est celui que Habermas pensait peut-être quelques années après qu'il allait tenir. Bon. Donc, c'est très intéressant. Et comme elle les connaît très très bien, elle ne leur pose pas exactement les mêmes questions. Elle ne leur donne pas un questionnaire. Elle s'adapte. Une fois encore, elle les connaît par cœur. Et donc, elle les met en position de chacun exprimer leur réaction devant quelque chose qui était inimaginable, impensable à proprement parler, et les laisser, au fond, déployer leur manière de l'affronter. Et là, on pourra peut-être l'examiner de près. On les voit à la fois se déplacer par rapport à leur propre position. On voit Habermas dire une chose assez sidérante, assez courageuse, qui est de dire, si vous me laissez une seconde, il écrit dans ce, je dis dire et écrire, hein, parce que c'est des entretiens qui ont évidemment été beaucoup réécrits, ouais. C'est pas le script d'entretiens oraux, il écrit « Depuis le 11 septembre, je ne cesse de me demander si au regard d'événements d'une telle violence, toute ma conception de l'activité orientée vers l'entente, celle que je développe depuis la théorie de l'agir communicationnel, début des années 80, n'est pas en train de sombrer dans le ridicule. » C'est très courageux de dire ça. Imaginez Emmanuel Kant recevant les nouvelles de Paris à l'hiver 1793, découvrant ce que vous avez évoqué hier, lisant des discours de Robespierre sur la terreur, et disant mais en lisant ça dans le journal, je me demande si finalement ma théorie de l'insociable sociabilité de l'homme, c'est pas complètement ridicule. C'est pas rien. Habermas n'est pas n'importe qui, il le sait, il a raison de le savoir. Il dit là une chose qui est, très courageuse, je crois qu'on peut pas le dire autrement. Ensuite, dans le reste de l'entretien, on voit qu'il essaie de se rassurer. On voit que. Il essaye malgré tout de sauver quand même sa théorie de l'agir communicationnel. Il essaye de se réassurer, c'est-à-dire de, malgré tout, faire entrer l'événement dans ses cadres et essayer de ramener l'impensable dans du pensable et dans sa propre pensée. C'est quelqu'un qui n'est pas un penseur systématique, mais qui est un penseur qui a une théorie sociale, qui a une théorie sur ce que c'est que l'agir de l'homme avec l'homme, ce que c'est que l'action sociale, ce que c'est l'action politique. Il sait bien, il voit bien que tout ça est complètement explosé. Maintenant, il essaye malgré tout de revenir dans ses marques. Derrida, c'est l'inverse. Derrida, c'est quelqu'un qui est habitué à la circumnavigatio, qui a passé sa vie à tourner autour de problèmes qu'il désignait comme plus ou moins incompréhensibles. Mais c'est le penseur de la déconstruction. Donc finalement, un événement comme le 11 septembre, c'est quelque chose qui va s'effondrer toutes les catégories et qui peut aller dans le sens d'une pensée comme celle de Derrida. C'est là que je disais tout à l'heure qu'il y avait un piège pour lui. Il y avait un énorme piège pour lui. Il y avait un énorme piège de dire, ben voilà, c'est l'archétype de l'inconstructible, c'est l'archétype de, etc., etc. Il y avait un piège philosophique dans lequel d'autres sont tombés, qui était par exemple de voir dans cet événement qu'on pouvait dire assez facilement apocalyptique, une eschatologie. Il y avait un piège pour lui de sauter sur deux phrases de Walter Benjamin, du texte sur le théologico-politique de Walter Benjamin, et de dire, regardez, c'est un événement quasi messianique. Certains l'ont dit. Qui? Je crois me souvenir que Giorgio Agamben a dû dire des choses comme ça. C'est un événement quasi messianique. Derrida s'est complètement tenu presque calmé. Calmé, et son texte est une manière extrêmement subtile d'essayer de faire ce travail qui consiste non pas à chercher à tout prix un concept, mais d'essayer d'apprivoiser, d'ouvrir des choses. Et si on regarde de près, on aura peut-être l'occasion de le faire, il se déstabilise quand même beaucoup. Écoutez par exemple ce qu'il dit. Donc Derrida. Derrida. Écoutez ce qu'il dit sur l'aspect politique. Malgré mes réserves radicales au sujet de la politique américaine, voire européenne, voire plus largement encore au sujet de la coalition guillemets antiterroriste internationale. Malgré tout, je prendrai parti pour le camp qui laisse, en principe, en droit, une perspective ouverte à la perfectibilité au nom du politique, de la démocratie, du droit international, des institutions internationales, etc., etc. Ça va loin quand même. Derrida est considéré comme un homme de gauche et les Derridiens le font passer pour un homme d'extrême gauche à l'égard des États-Unis et d'une politique d'ingérence. Là, il n'est pas loin de dire que malgré mes réserves et les réserves sur mes réserves, etc., je soutiens la politique est en train de mettre en place le gouvernement américain. Habermas a été très choqué de lire sous la plume de Richard Rorty, grand philosophe américain de l'époque, « Si j'étais le président des États-Unis, je bombarderais l'Afghanistan ». Ça a beaucoup choqué Habermas, il le dit dans l'entretien. Mais ce philosophe américain le dit aussi sous le coup, plus en tant que patriote américain qu'en tant que philosophe. Alors est-ce qu'on peut alors dissocier le patriote américain du philosophe? La question reste là, mais effectivement on peut aussi, sans justifier ce genre de propos, comprendre que dans tout le paysage philosophique qui compose la philosophie politique mondiale, on est aussi ce genre de réaction, de conforter et d'être dans l'impression, dans l'empathie pure, à savoir est d'accord avec la politique. Non seulement on produite. Peut, mais personnellement, je partage cette position. Personnellement, j'aurais dit probablement la même chose que Rorty à ce moment-là. J'aurais dit la même chose que Derrida à ce moment-là. Et au fond, je suis un peu déçu par le début de l'entretien avec Habermas. Parce que, allez, dites-nous pourquoi. Et alors, juste, il faudra dire quelque chose, Pierre Bourrette. Peut-être qu'on va d'abord commencer par ça et vous nous direz quand même pourquoi vous êtes déçu par le début de l'entretien avec Habermas. C'est que, au-delà du fait que ces entretiens Habermas-Derrida soient publiés sous le titre en français de Le Concept du 11 septembre, donc aux éditions Galilée, il faut quand même dire que Habermas et Derrida, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour essayer d'approcher le concept du 11 septembre, ont ceci de particulier qu'ils représentent deux positions, deux figures dans le champ philosophique philosophiques assez distinctes, le champ philosophique européen, qui est d'une part, donc, parce qu'il faut quand même les situer, tout le monde ne connaît pas Jürgen Habermas et Jacques Derrida, donc des figures opposées. Jürgen Habermas est du côté de l'école de Francfort, héritier de l'école de Francfort, la rationalité moderne. De l'autre, on a Derrida, qui est le penseur de la différence, avec un A, qui est du côté de la présence pure, et plutôt du côté de la rationalité. Donc le 11 septembre, ça met quand même aussi, ça fragilise un peu plus cette guerre entre ces deux philosophes et entre ces deux manières de voir le monde et la philosophie. Oui, alors il y a une histoire derrière. Hein. Il y a une histoire, c'est l'histoire que je racontais dans ce livre, Nathan Guérilla en philosophie. Ils ont été en guerre, le terme est un peu métaphorique, mais disons que Habermas avait assez sévèrement, assez méchamment attaqué Derrida dans un livre paru en 1985 qui s'appelait « Le discours philosophique de la modernité » dont la proposition qui avait le plus choqué Derrida était « Derrida n'appartient pas à la catégorie des philosophes amis de l'argumentation ». Ça va très loin, ça. Dans le langage de Habermas, dont vous dites très justement hein, qu'il est un philosophe critique, post-critique, héritier de l'école de Francfort, et héritier critique, hein, oui. Enfant indocile de Adorno et Horkheimer, mais disons quelqu'un qui défend un rationalisme intransigeant. Bon, oui, il a quand même théorisé toute une pensée de l'espace public fondée sur l'usage de la raison. Voilà, et une théorie de l'agir communicationnel. Bon, dire de quelqu'un qui n'est pas un ami de l'argumentation, c'est dire qu'il n'est pas un démocrate en réalité. Et c'est pas loin de dire qu'il est le contraire d'un démocrate. Donc il y a toute une histoire d'incompréhension entre Derrida et Habermas. Il y a toute une histoire qui est biaisée par le fait qu'Habermas avait confondu Derrida et la pensée de Derrida et le derridianisme américain. Bon, mais au fond, le derridianisme américain, Derrida l'avait cautionné, l'avait admis. Donc, bon, mais on peut malgré tout reprocher peut-être a posteriori à Habermas de pas avoir lu Derrida dans sa langue. Oui, c'est un des reproches qu'on a fait à Habermas, de l'avoir critiqué un peu bassement. De l'avoir critiqué à partir, non pas de ses textes lus dans sa langue, et Dieu sait que la langue est importante pour Derrida, oui. Et peut-être même est-il un peu difficile à traduire. Mais en tout cas, pour un Français, il était difficile de le critiquer sans avoir essayé d'accéder directement à ses textes. Donc il y a derrière eux un passif qui a déjà été mis à distance. Ils s'étaient déjà réconciliés. Le conflit, c'était à peu près années 80. Et Derrida lui-même dit à la fin des c'était 85 l'ouverture du conflit par le livre de d'Habermas, le discours philosophique de la modernité, et Derrida dit à la fin des années 90 nous nous sommes retrouvés, je vous passe les événements, c'est des événements de la vie quotidienne de gens comme eux et nous, c'est une réception à la fin d'une conférence, et puis Habermas avait invité Derrida à Francfort pour faire une conférence, etc. Bon, en tout cas au moment du 11 septembre ils étaient réconciliés, Derrida parle d'une amitié avec obstacle, mais enfin bon, ils étaient amis. Bon. Et donc l'initiative Giovanna Boradori, elle sait le 11 septembre, parce que à New York tout se sait, elle se souvient qu'à l'automne, Habermas de son côté, Derrida de son côté, doivent venir à New York, chacun pour faire une conférence ici ou là. Et elle se dit, je vais essayer de les faire se rencontrer. Alors, est-ce qu'elle a essayé de monter une table ronde où ils auraient été tous les trois? Je ne sais pas. En tout cas, le résultat, hein, ce que nous avons, ce sont deux entretiens qu'elle a fait séparément, avec l'un, avec l'autre, pas avec une grille de questions, en s'adaptant à chacun. Des entretiens qui ont été très retravaillés, dont on peut considérer que ce sont des textes. Qui sont assez courts. Oui, qui sont assez courts, finalement. Mais laissant à chacun le temps de développer ses arguments. Alors, voilà. Et chacun de partir de ce qu'elle leur demandait. Comment vous l'avez vécu et comment vous avez vécu le caractère inédit sur lequel tout le monde est sidérant, sur lequel tout le monde était d'accord, et les laisser par des questions développer leur point de vue. D'abord, le concept. Je tenais à ce mot pour marquer qu'il s'agissait de chercher à penser en termes de philosophie politique, de réflexion. Donc sans céder à la réaction immédiate et générale, non seulement américaine, mais mondiale, qu'il fallait aborder ce qui venait de se passer là. Appelons-le l'événement, si vous voulez. L'aborder dans la forme d'un questionnement politico-philosophique, prenant en compte l'histoire du concept de guerre, de terreur, l'histoire, les séquences historiques qui ont, disons, déterminer ou donner son sens à cette attaque des tours, et que nous ne voulions pas renoncer au temps de la réflexion philosophique. Donc le concept. C'était la voix de Jacques Derrida dans les matins de France Culture le 26 avril 2004. Alors effectivement, il y a quand même ce terme de concept qui est un peu surprenant, c'est-à-dire que déjà un concept c'est plutôt pour saisir une chose, non pas une date. Et puis est-ce que un événement comme le 11 septembre ne fait pas exploser la catégorie de concept elle-même, Pierre Bourette? Alors c'est un peu un artifice littéraire. Hein. Le livre est paru d'abord en anglais. Je pense que les entretiens ont été faits en anglais, en tout cas avec Habermas en anglais, c'est sûr. Il est paru en anglais, en Angleterre et aux États-Unis, sous un titre plus neutre qui était Philosophy in a Time of Terror. Philosophie en temps de terreur. Philosophie dans un monde de terreur, qui est un titre plus neutre. Derrida dit lui-même que c'est lui qui a proposé de donner à la traduction française, à la version française, le titre de concept avec des guillemets. C'est vrai que c'est avec des guillemets. Concept est probablement pour Jacques Derrida, les guillemets sont presque aussi importants que concept, le concept de 11 septembre. Ne nous focalisons pas trop là-dessus, sauf sur le fait que Derrida et Habermas étaient d'accord avec l'idée de Kant, qui est que philosopher, c'est posséder un concept. Là, justement, le défi, c'est de que posséder le 11 septembre. Ni Habermas, ni Derrida, ni personne, sauf des gens qui n'étaient pas sérieux, personne ne possédait le concept. Personne ne possédait le concept qui permettait de penser cet événement. Là, on pourra peut-être réfléchir aussi à la notion d'événement. C'est ça. Ben, qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est peut-être tout part de là d'ailleurs. C'est-à-dire que et quand on dit chacun... le 11 septembre, c'est l'événement. Ou alors, absolument. Est-ce que c'est vraiment le jour? Est-ce que c'est plus compliqué qu'un alors, simple justement. Événement? Est-ce que le 11 septembre est réductible à un événement et inversement? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement pour un philosophe? Faut ne jamais oublier qu'un philosophe, c'est d'abord et avant tout, et la plupart des heures de sa journée, c'est un homme ou une femme comme les autres. Un événement, à un bout du spectre, un événement, c'est ce que le ou la journaliste qui monte son journal télévisé de 20 heures va décider que c'est l'événement. Alors il y a des jours, des moments où ça va de soi. La semaine dernière, l'événement, c'était l'Afghanistan. Mais sur une année, il y a beaucoup de jours où l'événement, il faut que les médias aient un événement. La une d'un journal, il faut que d'une manière ou d'une autre, ce soit un événement. Bon, une sorte de temps pas, fort, là, on ça, pourrait dire. L'événement pour, d'un point de vue philosophique. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus qu'un événement, ça n'est que quelque chose comme le 11 septembre. Donc entre les deux, qu'est-ce que c'est qu'un événement? Par exemple, ça peut être une naissance. C'est quelque chose à la fois d'exceptionnel là, et normal. Là, vous nous emmenez vers autre chose. Là, vous nous emmenez, par exemple, vers Hannah Arendt. Vers la Hannah Arendt de Conditions de l'homme moderne. Vers la Hannah Arendt qui aime et qui utilise Saint-Augustin un tout petit peu revisité par Heidegger pour dire le seul événement qui existe dans le monde, c'est la naissance d'un enfant. Parce que c'est là que le monde, en quelque sorte, advient. Recommande. Mais bon, ça, pas abstrait, mais ontologique. Ça permet pas de penser quelque chose comme un événement comme le 11 septembre. Derrida, dans l'entretien, dans ce livre, a au fond une définition de l'événement qui me va assez, définition pour un philosophe. Hein. Il faut la lire bien, comme souvent Derrida, il faut lire deux fois les choses. L'événement, c'est d'abord ce que d'abord je ne comprends pas. L'événement, c'est d'abord, avant tout, ce que, a priori, je ne comprends pas. D'accord. Ça me va assez bien comme définition pour un philosophe de l'événement. Donc c'est d'une pour certaine un philosophe, manière, le journal du soir ne vous donne pas tous les jours des événements sur lesquels il faut parler. Un certain nombre de philosophes, peut-être même de mes camarades, et ça m'est même peut-être arrivé à moi, un peu trop tendance à parler sur n'importe quoi comme si c'était un événement. Non, il n'y a pas des événements tous les jours. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? Comment un philosophe décide que quelque chose relève de l'événement? Je trouve que la définition que donne Derrida là... Est-ce que vous pouvez juste la redire, s'il vous plaît? L'événement, c'est d'abord ce que d'abord je ne comprends pas. Ah voilà, parce que le deuxième d'abord, vous avez dit a priori, voilà. Donc non, c'est mais ce je que traduis d'abord... le deuxième d'abord. Voilà. Le deuxième d'abord, il faut l'entendre comme a priori. À mon avis, Jacques Derrida, c'est le premier élément constitutif d'un événement, c'est avant tout, c'est en premier lieu, le fait que d'abord je ne comprends pas, que immédiatement, que a priori je ne comprends pas. L'événement, c'est quelque chose qui me défamiliarise, quelque qui chose excède, qui dans le qui sens excède, de comprenez, c'est-à-dire qui excède mes les limites du savoir que qui, j'ai, qui ou est... alors qui vraiment que je ne comprends pas au sens même émotionnel, c'est-à-dire que je suis sidérée. Les deux, en l'occurrence, dans cet événement-là, et c'est là qui donne son caractère d'exceptionnalité, presque d'unicité, il faut toujours se méfier de l'unicité, là, ce qui était commun à tous, philosophe, pas philosophe, homme, femme, européen, américain, et partout dans le monde, n'oublions pas ça non plus, c'était la sidération. C'était une incompréhension au sens le plus profond du terme, la sidération, ne pas comprendre, ne rien comprendre du tout. Bon. Et... tous les événements, y compris qui peuvent être des événements pour objet de méditation pour les philosophes, ne possèdent pas forcément toujours cette qualité de cette qualité, si je puis dire, qualité au sens philosophique du terme, qualité de sidération. Mais je crois que le point est important pour qu'un philosophe s'intéresse à un événement, pour qu'il devienne pour lui un objet de pensée. Il n'est pas faux de dire que il faut d'abord qu'il ait le sentiment de ne pas comprendre, sinon il va en parler avec les choses familières, avec ses cadres familiers, avec ses concepts à lui ou à elle. Il va voilà ce qui est évidemment tout à fait passionnant dans le livre, le concept de 11 septembre, donc philosophie dans un temps ou dans un âge de terreur, c'est que justement chacun des deux accepte de presque d'avouer le fait qu'ils sont partis, comme tout le monde, de cette sidération. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est comment chacun s'y prend pour essayer de l'apprivoiser ou pour essayer de tourner autour, en un sens. Je vous propose, Pierre Bourette, qu'on écoute justement une manière d'apprivoiser ce concept de 11 septembre, en tout cas ce 11 septembre, par Habermas. C'est un texte lu par François Raison. La nouveauté, ce fut d'abord le crime monstrueux lui-même. Et je ne parle pas seulement de la manière de procéder de ces commandos suicides, qui ont pris en otage les passagers d'engins de transport, réservoirs pleins, pour en faire des projectiles vivants. Je ne parle pas seulement du nombre insupportable de victimes et de l'étendue du désastre. La nouveauté a résidé dans la puissance symbolique des objectifs visés. Les auteurs des attentats n'ont pas seulement réduit à un tas de gravats les plus hautes tours de Manhattan. Ils ont détruit une icône dans l'imagerie domestique de la nation américaine. Il suffit de songer à la montée de patriotisme qui a suivi les événements pour observer à quel point était centrale dans l'imaginaire de tout un peuple la place occupée par ces tours, que ce soit en tant que point cardinal dans le panorama de Manhattan ou en tant qu'incarnation forte de la puissance économique et de la projection sur l'avenir. Et puis, la nouveauté, ce fut aussi la présence des caméras et des médias qui a fait d'un événement local un événement planétaire, la population devenant un témoin oculaire médusé. Peut-être peut-on parler du 11 septembre comme du premier événement qui s'est immédiatement inscrit dans l'histoire mondiale au sens strict. L'impact, l'explosion, le lent effondrement des tours, tout ce qui s'est passé de manière absolument irréelle et qui pourtant n'était pas une fabrication d'Hollywood, mais bel et bien l'implacable réalité, tout cela a littéralement eu lieu sous les yeux de la sphère publique mondiale. Les chemins de la philosophie. France Culture, Géraldine Mosna-Savoie. Quel texte on vient d'entendre, interprété par le comédien François Raison. C'est un extrait du concept de 11 septembre, dialogue avec Giovanna Boradori, donc de Jürgen Habermas. On a entendu ce texte vraiment intéressant, il faut qu'on le décortique, Pierre Bourette, parce qu'effectivement, une manière d'aborder, d'apprivoiser ce 11 septembre, c'est d'en détecter toute la nouveauté, de ne pas juste s'en tenir à l'idée d'événement, de sidération, d'incompréhension, mais quand même, et seulement, simplement à l'idée aussi de nouveauté, mais de se dire en quoi c'est nouveau. Alors, il y a trois nouveauté, nous dit Habermas. Donc la nouveauté, ce fut d'abord le crime monstrueux lui-même. La nouveauté a aussi résidé dans la puissance symbolique des objectifs visés. Vous voulez commenter après, Pierre Bourette, cette idée de icône dans l'imagerie domestique, il parle des plus hautes tours de Manhattan. Et enfin, la nouveauté, dit aussi Habermas, ce fut la présence des caméras et des médias qui a fait d'un événement local un événement planétaire, la population devenant un témoin oculaire médusé. Oui, alors le dernier point, tout le monde est d'accord. Le dernier. On est d'ailleurs parti de ça. On est parti de ça, n'y revenons pas. Et là, on voit que Habermas est dans ses cadres, puisqu'il est le théoricien de l'espace public en général et de l'espace public mondial. Non, j'ai envie de faire une petite remarque et de citer un petit texte à propos du premier point avec lequel on est d'accord, la puissance symbolique des objectifs visés, la destruction d'une icône dans l'imagerie domestique de la nation américaine. Non. Habermas est très en dessous de la main, là. Il est très en dessous des choses. C'est là où vous êtes déçu. On en revient à votre déception la position d'Habermas. Il faut aussi tenir compte de la manière dont on s'exprime. J'ai envie de dire, Habermas n'est pas un grand styliste et Habermas n'a pas une âme de poète. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Une icône dans l'imagerie domestique de la nation américaine. Les tours jumelles étaient effectivement une icône. Mais une icône de quoi? Une icône seulement de la nation américaine? Une icône seulement, disons-le, du capitalisme américain? Non, non. Elles étaient, il le dit après, quand il dit que c'est un événement planétaire. Ce ne sont pas seulement les Américains qui ont été bouleversés, ce sont nous, Européens. Je suis certain qu'il y a des millions et des millions de femmes et d'hommes dans le monde qui ont été tout autant sidérés que nous cet événement. J'ai pensé à un texte en relisant tout cela ces derniers jours, à un texte de quelqu'un qui va vous étonner dans cette affaire, qui est Bertolt Brecht. Vous voyez pourquoi je faisais allusion à la notion à l'idée que Habermas n'était pas un poète. Un texte du poète. Oui, ça n'est pas Brecht. Brecht qui était très mauvais en politique, hein, qui a été quand même quelqu'un qui a toujours, en gros, rien compris à ce qui se passait dans le monde du point de vue politique. Mais qui était un immense poète. Et les quatre vers que je vais vous citer, ils sont cités par Hannah Arendt dans le très beau portrait qu'elle fait de lui dans Sa vie politique. Écoutez, c'est un texte extraordinaire. Je vois pas qu'il puisse ne pas évoquer le 11 septembre, mais de manière prémonitoire. Nous avons vécu génération légère dans des maisons qu'on disait indestructibles. Parenthèse. Ainsi, nous avons élevé les longs buildings de l'île Manhattan et ses minces antennes de visant dont s'amuse la mer Atlantique. De ces villes restera celui qui passait à travers elles, le vent. J'ai pas eu le temps de rechercher la date exacte de ce texte, mais c'est un texte des années 30, peut-être même du tout début des années 30. Prémonitoire, effectivement. Prémonitoire, c'est un texte que peut-être des gens plus jeunes que nous peuvent entendre autre chose, une autre catastrophe, la catastrophe écologique ou quelque chose comme ça. On a vu New York sous l'eau la semaine dernière, on avait vu New York dans presque en partie, en tout cas très abîmée par un ouragan il y a quelques années. On peut y entendre autre chose. Il y a une dimension prémonitoire. Brecht a bien, il n'y a pas encore les tours jumelles à l'époque où il écrit. Il y a des tours un peu plus petites et puis il y a ses antennes. Cette vision est absolument magnifique. Un jour, cette icône sera détruite. Il ne restera que le vent. Bon. Mais qu'est-ce que dit Brecht là? Il ne dit pas que ces tours de l'île Manhattan, c'est une icône de la nation américaine. Il nous dit que nous, c'est à nous, il est allemand, il parle dans les années 30. Disons le mot que peut-être Habermas n'a pas envie d'utiliser. Il y voit une icône, Brecht, il y voyait une icône d'une civilisation. Une civilisation qui a appris depuis longtemps maintenant à ne plus se considérer comme la civilisation, mais d'une civilisation. Une fois encore, c'est quelqu'un qui était un militant communiste stalinien à l'époque et qui l'est resté presque jusqu'à la fin de sa vie qui dit ça. Et pourquoi Habermas pèse ou reste prudent en tout cas sur ces mots en fait? Parce que l'événement, en fait un événement comme le 11 septembre, justement, on se demande si cet événement là n'explose pas la catégorie d'événement, on devrait trouver des mots forts, on devrait, sans être un poète, on pourrait être plus ferme, beaucoup plus intentionnel. On pourrait être soit beaucoup plus ferme, soit beaucoup plus accueillant au fond. Habermas revient constamment sur le fait qu'il a été, un peu choqué au fond par le patriotisme qu'il voyait dans les rues de New York. Il n'est pas impossible qu'Habermas ait vu chez certains de ses amis, à lui, New-Yorkais, des hommes et des femmes de gauche, il ait vu un petit drapeau américain à la fenêtre. Bon. Et ça, au fond, ça lui plaît pas. Il commence par ça, d'ailleurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'aimais pas le début du texte. C'est que Giovanna Boradori lui pose une question théorique. Il dit, attendez, laissez-moi quand même dire quoi? Bah, le fait que j'ai été complètement choqué par le fait de voir ce patriotisme, etc. Bon, c'est quand même un très grand manque d'empathie. Dans un événement comme ça, face à un événement comme ça, quand on retrouve ses amis, quand on retrouve le peuple d'une ville qu'on aime, première chose qu'on doit conserver, c'est peut-être pas quand même les phénomènes de la manifestation du patriotisme. Ce qui a été la réaction de Derrida, ce qui a été l'empathie. Alors, Derrida ensuite replante ça dans ses propres catégories, dans son propre discours, dans sa propre langue, dans sa propre démarche inspirée par Lévinas. Il tire cette empathie vers l'idée de solidarité, une solidarité sans condition, une solidarité sans concept d'ailleurs, probablement. Bon, donc là, il est au contraire dans le point inverse, qui est que évidemment, on va pas chipoter sur les réactions à chaud, presque épidermiques, de nos amis dans une circonstance comme celle-là. C'est ce que nous avons fait aussi avec le lendemain des attentats de novembre à Paris. Bon, nous avons, pour certains d'entre nous, peut-être en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, ont chanté la Marseillaise pour la première fois, pour dire les choses clairement de leur vie. Bon, donc ce patriotisme, au fond, il est attendu, il est normal, et je vois pas de raison, au fond, d'en faire une espèce de querelle. Derrida, de son côté, lui, est dans ses cadres à lui, dans l'idée d'une solidarité sans condition. C'est dans la continuité, cette idée d'empathie, sur laquelle il insiste, il parle de compassion, pardon. Dans le texte, il parle de compassion pour les victimes et l'indignation devant la tuerie. Cette tristesse et cette condamnation devraient être sans limite, inconditionnelle, principielle. Donc ça, c'est dans ses entretiens avec Giovanna Boradori. On voit bien que c'est dans la continuité de ce qu'il disait sur l'événement. Finalement, l'événement, c'est avant tout ce que je ne comprends pas d'abord. Pardon, je ne l'ai pas dit dans le bon sens, mais je reprends l'idée qui était celle de Derrida. Finalement, après le débordement de la compréhension, il y a aussi un débordement d'empathie qu'il faut savoir prendre en compte plutôt que, comme Jürgen Habermas, à tout prix vouloir rationaliser, mesurer, comparer, faire rentrer dans un cadre. Oui, alors là, il faut aussi faire droit à chacun de sa propre culture, de sa propre manière d'être au monde. Je le disais tout à l'heure, Habermas, c'est quelqu'un qui est un penseur qui est dans le cadre d'un rationalisme assez intransigeant. C'est quelqu'un qui exige, quand on fait un argument, qu'il soit bien construit, qu'il soit logiquement construit. C'est quelqu'un, c'est sa grandeur et c'est sa force. Il n'aurait pas écrit son œuvre et son œuvre n'aurait pas l'importance qu'elle a s'il n'avait pas été quelqu'un qui est un tenant du discours apodictique, du raisonnement argumentatif, sévère, austère. On dit parfois, pour rire, et c'est pas faux, que la théorie de l'agir communicationnel d'Habermas est une sorte de théorisation philosophique d'un séminaire de recherche dans une grande université allemande. Bon, c'est un peu caricatural, mais ça, c'est la force et c'est la grandeur d'Habermas de défendre cette position-là. Bon, la position, le mode d'être, le mode de philosopher de Derrida est à l'inverse, en quelque sorte. C'est d'ailleurs cette inversion que Habermas n'avait pas très bien comprise ou qu'il avait vue sous une forme caricaturale. En un certain sens, on pourrait dire que c'est paradoxal, mais en un certain sens, on pourrait dire que Derrida était presque mieux armé pour penser l'impensable. Oui, pour penser quelque chose qui déconstruit tout. Déconstruire quelque chose qu'on ne comprend pas, exprimer une compassion sans fond. Derrida est un oui, et c'est le fond de sa philosophie, l'inconditionnalité. Donc pour Derrida, non seulement ça devait lui venir immédiatement à l'esprit, mais ça venait même dans ses catégories immédiates d'exprimer une solidarité sans condition. Solidarité sans condition qui fait qu'on va pas reprocher à ses amis et même à ceux qui sont pas ses amis, pas les New-Yorkais disons, d'exprimer leur patriotisme. Donc là, paradoxalement, Habermas, avec en quelque sorte sa raideur, était mal armé pour exprimer une compassion. Il était rattrapé au fond par un discours un peu de rationnel. Oui, mais en l'occurrence là, un peu un discours d'homme de gauche qui est agacé par le patriotisme. Bon, américain. Voilà, américain ou le patriotisme en général. Ses derniers mots dans le même entretien, c'est sur l'héroïsme. Bon. Giovanna Boradori lui dit qu'est-ce que vous pensez du fait que les Américains ont érigé les pompiers de New York en héros? Et il cite Brecht, lui aussi, mais un Brecht qui dit quand même exactement l'opposé de ce que je dis. Brecht qui disait « Malheur aux peuples qui ont besoin de héros ». Bon, d'accord, ça c'est un peu une idée de critique du nietzschéisme, du wagnerisme, d'un Allemand d'extrême gauche communiste des années 30 qui dit malheur au peuple, qui a besoin de héros. Habermas reprend cette idée. Bon, là encore, on comprend que non, que les pompiers américains, ils ont quand même perdu des centaines d'hommes qui sont morts, qui ont brûlé dans les flammes pour aller sauver d'autres personnes. Faut vraiment reprocher qu'on les ait érigés en héros. Un peu court. On a entendu deux positions, Derrida à Habermas, celle dont on parle ce matin, Pierre Bourette. J'aimerais qu'on entende quand même une troisième position, qui est celle de Jean Baudrillard. Écoutez bien le texte, il est assez frappant, choquant, surprenant. La condamnation morale, l'union sacrée contre le terrorisme, sont à la mesure de la jubilation prodigieuse de voir détruire cette superpuissance mondiale. Mieux, de la voir en quelque sorte se détruire elle-même. Se suicider en beauté. Car c'est elle qui, de par son insupportable puissance, a fomenté toute cette violence infuse de par le monde, et donc cette imagination terroriste qui nous habite tous. Que nous ayons rêvé de cet événement, que tout le monde sans exception en ait rêvé, parce que nul ne peut ne pas rêver de destruction de n'importe quelle puissance devenue à ce point hégémonique. Cela est inacceptable pour la conscience morale occidentale, mais c'est pourtant un fait, et qui se mesure justement à la violence pathétique de tous les discours qui veulent l'effacer. À la limite, c'est eux qui l'ont fait, mais c'est nous qui l'avons voulu. Si l'on ne tient pas compte de cela, l'événement perd toute dimension symbolique, c'est un accident pur, un acte purement arbitraire, la fantasmagorie meurtrière de quelques fanatiques qu'il suffirait alors de supprimer. Or, nous savons bien qu'il n'en est pas ainsi. De là tout le délire contrephobique d'exorcisme du mal, c'est qu'il est là, partout, tel un obscur objet de désir. Sans cette complicité profonde, l'événement n'aurait pas le retentissement qu'il a eu, et dans leur stratégie symbolique, les terroristes savent sans doute qu'ils peuvent compter sur cette complicité inavouable. Ce texte de Jean Baudrillard est assez dingue, je dois dire. Il est paru dans Le Monde le 3 novembre 2001, moins de 2 mois après les attentats du 11 septembre. C'est publié maintenant sous le titre « L'esprit du terrorisme » aux éditions Galilée. Mais cette phrase, à la limite, c'est eux qui l'ont fait, mais c'est nous qui l'avons voulu. Alors là, on a une approche qui est étonnamment en fait familière. C'est-à-dire, c'est le genre de thèse qui n'est pas complètement inconnue, qu'on peut entendre dans la sphère publique, et qui est là et incarnée par Baudrillard, et qui est complètement à l'inverse de Habermas et de l'empathie de Derrida. Alors, qui est à l'inverse absolu de Habermas et de Derrida, qui est à l'inverse absolu de toute position raisonnable et acceptable sur cette question. Vous recitiez, à la limite, c'est eux qui l'ont fait, c'est nous qui l'avons voulu. Ça rappellera peut-être quelque chose aux plus âgés d'entre nous. Ça rappelle une publicité qu'on peut paraphraser en disant Jean Baudrillard l'a voulu, Ben Laden l'a fait. Ou Jean Baudrillard l'a rêvé, Ben Laden l'a fait. Disons les mots, c'est obscène. Ce texte est obscène. Quand c'est d'ailleurs l'argument de Derrida de dire que c'est vraiment de la provocation de bon marché. C'est de la provocation de bon marché. Si on voulait être gentil avec Baudrillard, mais j'ai pas envie à vrai dire, mais si on voulait être gentil avec Baudrillard, on relèverait le fait que c'est un article du Monde du 3 novembre 2001 et ça renverrait à ce que je disais tout à l'heure. Il faut éviter de parler trop tôt de choses trop chaudes, au risque de dire des bêtises. Malheureusement, j'ai pas envie de lui donner cette excuse parce que ça consonne avec beaucoup de choses qu'il a dites ailleurs. C'est-à-dire avant que ça s'inscrit quand même dans une certaine théorie. La guerre du Golfe est un simulacre, c'est un événement virtuel. Voilà. Donc là, on est quand même dans des rapports au monde donc soutenus par des idéologies anti-américaines, alors qu'un Derrida qui pourrait être critique Exactement. À l'égard des États-Unis ou un Habermas à l'égard du libéralisme américain, du capitalisme américain, tous deux vont remettre en question leur idéologie, ou du moins être prudents et savoir en fait ne pas se saisir de cet événement pour projeter une idéologie. Oui, donc soyons bien clairs, ce texte est une obscénité intellectuelle, une obscénité morale. Et vous avez raison d'insister sur le fait que c'est pas un moment d'égarement de quelqu'un, c'est quelqu'un qui appartient à un certain monde, philosophico-politique, plus politique que philosophique. Vous avez évoqué hier, avec Cyril Brett, le nom de Noam Chomsky. Bon, Chomsky a dit des choses du même ordre. Une certaine, disons les choses par leur nom, une certaine extrême-gauche radicalement anti-mondialiste, anti-capitaliste, réaliste, a exprimé, oui, presque cette forme de jubilation, en tout cas d'empathie, non pas avec les victimes, mais avec ceux qui avaient réalisé quelque chose comme un rêve de ces gens. Donc là, on est dans la politique, on est dans la philosophie, là il est clair que Habermas, Derrida sont aux antipodes de cela, et il est vrai que quelques années avant, Habermas pensait que Derrida appartenait à ce camp-là. Il l'avait mal lu, parce qu'on ne trouvera nulle part chez Derrida, à aucun moment de sa vie, sur quelque événement que ce soit, quelque chose qui puisse ressembler à ça. Et finalement, à ce moment-là, Habermas l'avait compris. La French Theory est finalement une constellation beaucoup moins homogène qu'on le pensait. Néanmoins, le texte de Baudrillard, en fait, il résonne de manière assez familière. C'est-à-dire qu'on peut aussi soutenir ce genre de thèse. D'ailleurs, il le fait, c'est-à-dire être en empathie, non pas avec les victimes, mais finalement se réjouir en fait d'un attentat, de voir s'écrouler une superpuissance et d'une certaine manière de dire il l'avait bien mérité, il l'avait bien cherché. C'est aussi une thèse en fait qui n'est pas qui est obscène, mais qui là est dite et peut être récusée là. On peut le faire. Oui, on peut le faire, on peut le faire, on peut la. Je crois qu'il faut la combattre. Philosophiquement et politiquement, il y a des dérivés de ça. Pas développé, parce que c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais enfin, les gens qui expliquent aujourd'hui que l'obligation de porter un masque ou de se faire vacciner, c'est une expression parmi mille autres d'un pouvoir, d'un biopouvoir qui a transformé l'homme, etc., etc., c'est le même sillage, c'est le même monde, c'est le monde dans lequel la haine de la société moderne, capitaliste, mondialiste, conduit à une critique à ce point radicale que, au fond, elle ne critique plus rien, elle détruit. Et c'est là, dans le cas de Baudrillard, mais passons à autre chose. Ne nous attardons mais pas trop sur ce texte. Mais il fallait entendre une autre position. Il fallait l'entendre. Elle est partagée. Elle a été partagée. On a évoqué Chomsky. On pourrait en évoquer d'autres. En France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, et aux États-Unis, évidemment. Oublions-les. Pour revenir à nos deux protagonistes, d'une vraie discussion entre deux personnages dont l'un a pensé à un moment que l'autre pensait ce type de choses, appartenant à ce type de courant. Et justement, la chance que l'on a, c'est que au moment où on les fait se rencontrer pour parler du même événement, ils se réunissent à peu près. Ils sont déjà réconciliés. C'est-à-dire, pour être clair, Habermas a déjà compris depuis plusieurs années que Derrida n'appartenait pas à ce monde-là, n'appartenait pas à ce camp-là. Et c'est pour ça que leur discussion est passionnante, c'est qu'ils peuvent parler à partir du minimum d'accord sur lequel on peut être en désaccord. Le traumatisme pour les Américains, mais aussi pour le monde entier, d'après le 11 septembre, ne tenait pas tant à ce qui s'était passé. Et que si on leur avait dit, si on nous avait dit, bon, il y a eu 3 ou 4 000 morts, mais c'est fini, ça ne se reproduira plus. Au fond, des 3 ou 4 000 morts, il y en a eu beaucoup. Et pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et après, le Rwanda, le Cambodge, la Yougoslavie, bon. Mais le traumatisme, et là, il faut repenser la valeur du traumatisme, même du point de vue psychanalytique, le traumatisme tenait à l'ouverture, à l'avenir, de la blessure. C'est-à-dire que ça peut recommencer et en pire. C'était la voix de Jacques Derrida dans les matins de France Culture. C'était le 26 avril 2004. Alors, on vient d'entendre qui permet peut-être de voir comment Jürgen Habermas et Jacques Derrida se sont réunis. Ils n'étaient plus en opposition, mais définitivement réconciliés par cet événement, par ce concept de 11 septembre, où là, la question, c'est celle de l'avenir. La blessure est à venir. La philosophie ne peut pas penser ce qui n'est pas encore venu, ce qui est imprévisible. Néanmoins, Habermas a quand même une théorie politique de l'agir communicationnel, de l'espace public rationnel. Et Derrida a aussi une théorie de son côté sur l'hospitalité. Et tous deux sont des héritiers de Kant et de l'hospitalité et du cosmopolitisme. Est-ce que c'est là-dessus qu'ils se retrouvent, Pierre Bourette? C'est là-dessus, en tout cas, qu'ils se retrouvent d'une façon qui est la suivante, qui est d'avoir suffisamment d'accord, de parler une langue suffisamment commune, en particulier la langue kantienne, sur le droit cosmopolitique, sur l'horizon d'une paix perpétuelle, pour pouvoir être en désaccord, pour pouvoir dire des choses un peu différentes. Alors sur quoi sont-ils en accord et en désaccord? Vous avez 4 minutes. Hein. Non, parce qu'au fond, ce n'est pas le point le plus important. Je pense qu'ils seraient d'accord, au fond, probablement, si on leur disait tous les deux, malheureusement, on ne peut plus poser la question à Jacques Derrida, mais on pourrait la poser à Jürgen Habermas, peut-être sur le fait que le 11 septembre, c'est un événement qui n'est pas terminé. C'est un peu ça qu'on pouvait entendre dans le dernier extrait de Derrida. C'est quelque chose qui n'est pas terminé. Là encore, une citation qui montre bien la manière dont Derrida savait se déstabiliser. Quand Bush et les siens accusent, alors il cite en anglais The Axis of Evil, l'axe du mal, il faut sans doute à la fois sourire, dénoncer les connotations religieuses, les stratagèmes enfantins, les mystifications obscurantistes de cette boursouflure. Il reste pourtant que de tous côtés, c'est bien un mal absolu qui étend sa menace. Là, Derrida va très loin. Une fois encore, parce qu'il fait la circonvolution nécessaire de dire que George Bush est ridicule, on est tous d'accord, mais de dire, d'une part, que c'est quelque chose qui est en marche, que ce n'est pas un événement unique, que ce n'est pas un événement pseudo-messianique, que ce n'est pas un événement eschatologique, c'est quelque chose qui est en marche, c'est une menace, et il pose un concept. Il pose un concept qu'il appelle le mal absolu. Il sait ce que c'est, il sait ce qu'il veut dire. Il ne dit pas le mal radical. Il sait parfaitement ce que Kant appelle un mal radical, un mal inscrutable, dont l'origine est inscrutable. Non, je pense que quand il dit un mal absolu, il pense à un mal dont on sait parfaitement scruter l'origine. Mais qui étendrait son empire sur tout, qui serait incontrôlable. Et il nous dit, à chaud encore quand même, un mal absolu étant sa menace. Il n'est plus là pour le constater avec nous. C'est exactement 20 ans plus tard. Cette formule est prémonitoire, parce que d'autres expliqueraient mieux que moi, d'un point de vue historique, qu'il y a des différences entre Al-Qaïda et Daesh et l'État islamique, que les talibans, c'est pas la même chose, etc., etc. Sauf que Derrida avait raison quand il disait « il y a un mal absolu qui étend sa menace ». Nous avons vécu des répliques ou des métastases ou des développements de ce mal en France avec les attentats de novembre 2015, à Madrid, à Londres. N'oublions pas ce que vous avez évoqué hier, à Kaboul aussi, à Bagdad, à Mumbai. Rappelons aux auditeurs que ça veut juste dire Bombay, mais donc en Afghanistan, en Irak, dans des pays arabes, en Inde. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec finalement pour deux philosophes quand même, et des philosophes politiques, notamment pour Habermas mais aussi pour Derrida, de se dire que finalement toute leur thèse aussi d'hospitalité, de miser sur le droit, sur les droits de l'homme en particulier, c'est aussi un échec. Ceux-là ne seront peut-être pas suffisants pour faire face au mal absolu, à moins d'être Derrida et de dire il faut déborder le droit, mais néanmoins l'idée de droit reste là et elle est peut-être insuffisante. Oui, bien sûr, mais ça, là-dessus, ils sont d'accord. Là-dessus, ils sont d'accord. Ils sont d'accord pour là-dessus, dire qu'ils sont impuissants. Ce sont de grands lecteurs du traité de paix perpétuelle de Kant, dont vous avez cité un extrait hier. Ils adhèrent tous les deux à cette idée d'un droit cosmopolitique. Giovanna Boradori les interroge sur la notion de tolérance, en pensant qu'ils vont un peu s'écharper sur cette notion de tolérance. Au fond, ils sont d'accord. L'un et l'autre voient bien et déploient l'idée qu'il y a une dimension un peu paternaliste dans la notion de tolérance, que être tolérant, c'est dire je te tolère, mais je pourrais ne pas te tolérer, qu'ils vont l'un et l'autre plutôt dans la perspective kantienne du droit cosmopolitique. Ils sont conscients l'un et l'autre que le droit cosmopolitique, le droit d'hospitalité est insuffisant chez Kant parce qu'il est conditionnel. Alors là, ensuite, Derrida est plus à l'aise pour dire inconditionnalité, inconditionnalité de l'inconditionnalité. Bon, mais là, ils sont profondément d'accord. Merci beaucoup Pierre Bourrette, c'est allé très vite cet entretien sur Jürgen Habermas et Jacques Derrida pour penser le concept de 11 septembre. J'indique deux ouvrages à lire, alors évidemment le concept entre guillemets de 11 septembre, donc c'est Dialogue à New York, octobre-décembre 2001 avec Giovanna Boradori, c'est donc les dialogues de Jacques Derrida et Jürgen Habermas et ça c'est paru aux éditions Galilée. Et de vous Pierre Bourrette, évidemment, D'un ton guerrier en philosophie, Habermas, Derrida & Co, c'est aux éditions Gallimard, paru en 2011. Merci beaucoup. Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort since that day. They wounded New York.

Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Carla Michel, Antoine Ravon, Manon Delasselle, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Arthur Dumont et Florent Bujon et François Raison à la lecture des textes. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre semaine terrorisme. Nous serons en compagnie de Hugo Micheron pour traiter cette difficile question : qui sont les djihadistes ?